كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق باب ليلة القدر. Pourquoi ils l'ont appelé Laylatul Qadr ? Aïe, comme dans le Coran, comme dans le Sunnah. Le Qadr, ça veut dire la valeur. Non, Laylatul Qadr, aïe, elle a un Qadr azim, عند Allah. كذلك, par rapport au Qadr, en Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette nuit, اللي يحصل فيها القدر السنوي كما بين ابن القيم وغيره. Et ça, ça demande des tafasil في باب القدر في باب العقيدة. لكن نحن l'essentiel c'est qu'il y a un lien avec le qadr. Parmi les bienfaits de cette nuit, hein, عندك عيسى؟ نعم. أفضل من ألف شهر. كذلك parmi les bienfaits, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne celui qui fait as-salat fiha man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et c'est quand laylat al-qadr? Dans les 10 dernières nuits, et plus précisément indak les nuits impaires. Na'am, les nuits impaires. Plus précisément, dès qu'on dit le plus précisément et le plus souvent, il peut être dans les nuits paires au début. Le 22, elle peut être le 26. Lakin, le plus souvent, comme taqaddam fi dars, c'est les 7 dernières nuits impaires. Le plus souvent, le 27, comme a qala Ubay ibn Ka'b wa kathir min ahli al-ilm. Et à la kulli hal, on a conclu quoi ? Anna laylat al-qadr. Il faut faire beaucoup d'efforts les 10 dernières nuits. Pourquoi ? Lianna laylat al-qadr, elle se déplace. Ce n'est pas une nuit fixe. Et al-hikma, comme a bayyana Cheikh Al-Uthaymeen wa ghayruh, rahimahullah, anna al-insan, si ce n'est pas quand est-ce qu'elle est précisément, ben elle se déplace, il fera des efforts. Falihada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, faman kana mutaharriha فليتحرها في السبع الأواخر ودوت أحاديث مهم التحري c'est ça l'essentiel, faire des efforts. أما elle serait dans une nuit précise et toujours la même, les gens là chacun Nahumi il ferait beaucoup plus d'efforts dans cette nuit, et vu que c'est la nuit du destin il ferait beaucoup moins après. لكن الحكمة ظاهرة واضحة في هذا هذا ما يتعلق بليلة بليلة القدر. Et aujourd'hui, dans ce dars, on finit ces durus dans ce kitab al-azim, Umdat al-ahkam, ce chapitre qu'on a étudié ensemble, al-siyam. Et on lit le dernier chapitre, ma yata'allaq bi al-i'tikaf. Qala al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, babu al-i'tikaf. Al-i'tikaf, lughatan, c'est al-habs wal-mulazama. Al-habs wal-mulazama, est rester dans un endroit et ne pas quitter cet endroit. C'est pour ça qu'on appelle al-sijn al-habs en langue arabe, est la prison. Al-habs al-sijn, est ce prisonnier ne peut pas quitter cet endroit. Al-i'tikaf en langue arabe, c'est al-habs wal-mulazama, rester dans un endroit. Shar'an, est dans nos durus qui nous intéressent, nous, à l'i'tikaf, dans les 10 dernières nuits, le ramadan, c'est mulazamat al-masjid, ou le maqam fil masjid, min shakhsin makhsous, ala sifatin makhsousa. C'est une personne, un musulman, bien sûr, un aqil, il a une intention, tout ça pour se rapprocher d'Allah, il va rester dans un endroit précis, al-masjid, pendant une durée déterminée et d'une façon déterminée. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de sortir. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il sort qu'en cas de besoin. Beaucoup, plusieurs masail qu'on va voir dans ce dars, inshallah. Donc, al-i'tikaf, c'est le maqam fi al-masjid min shakhsin makhsous ala sifatin makhsousa. Donc, al-mu'takif, celui qui fait l'i'tikaf, il doit bien savoir qu'il y a des règles à suivre. C'est une ibada. Mitla siyam, c'est un temps déterminé, le mois de Ramadan. Il y a des règles, tu as le droit de faire certaines choses, tu n'as pas le droit de faire d'autres, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire. Tu as une durée déterminée, al-fajr al-sadiq jusqu'à al-ghuroub, etc. As-salat, kadalik, c'est une ibada, il y a des règles. Tu dois avoir tahara, tu dois te mettre en direction de qibla, tu dois réciter le fatiha, tu dois faire ruku', al-sujud. Al-i'tikaf, c'est une ibada et elle a plusieurs ahkam qu'on va essayer de détailler dans ce dars, inshallah ta'ala. Al-Hafid, Abdul Ghani, Al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, dans ce bab, il a cité quatre hadiths, deux hadiths an Aisha, un hadith an Umar, et un autre an Safiya. Qala, رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر تقدم معنا في باب ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفز الاعتكاف لدي دانيان il le faisait au milieu du mois de Ramadan لكن à la fin il a changé عليه الصلاة والسلام et il faisait les dix derniers et parmi la sagesse c'est que النبي صلى الله عليه وسلم c'était pour rechercher la nuit du destin donc السنه c'est de faire les 10 dernières nuits من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده donc c'était sa façon de faire jusqu'à sa mort عليه الصلاه والسلام on a dit qu'au départ il faisait pas les 10 dernières nuits لكن ensuite il les a fait et il est mort على هذا عليه الصلاه والسلام et ses femmes après lui elles faisaient l'i'tikaf les 10 dernières nuits فمن السنة سيدفر الاعتكاف لدي درنير أما الحكم c'est pas obligatoire c'est مستحب sauf celui qui fait النذر il fait un vœu comme on va voir حديث عمر وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه tout ça on va voir le moment de débuter l'i'tikaf, la fin de l'i'tikaf. قال عن عائشة رضي الله عنها, le deuxième hadith, أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه أي البني النبي عليه الصلاة والسلام ترجل النبي صلى الله عليه وسلم الترجيل تسريح الشعر أي بني فعائشة التي حائض على بس رجل رضي الله عنها البني النبي عليه الصلاة والسلام التي معتكف وتعلمون أن حجرة عائشة رضي الله عنها التي كل يوم مسجد الحجرة سي لابارتمون لابارتمون عائشة التي كل يوم مسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم التي معتكف مسجد اي سالونجي اي عائشة لا بورت دو سون ابارتمون سيتي كولي البني النبي عليه الصلاة والسلام ça nous montre qu'un al-mu'takif il a le droit de faire certaines choses lakin il sort pas du masjid le nabi sallallahu alayhi wa sallam il est dans le masjid wa fi riwaya wa kana la yadkhul al-bayt illa li hajat al-insan on va voir en détail quand est-ce qu'il a le droit de sortir le mu'takif parce que le mu'takif là-bas c'est qu'il reste au masjid lakin si il doit faire ses besoins il y a aucun doute qu'il va sortir Si il veut manger et personne lui emmène, on va voir que le mieux c'est quelqu'un lui emmène à manger. Lakin si personne lui emmène, il sort manger et il revient. Il a un coup de fil important, il n'a pas de téléphone, il sort et il revient. Al muhim s'il a une haja, il fait sa haja et il revient. Amma sortir sans excuse, on verra que ça annule al-i'tikaf. Wa fi riwaya anna Aisha radiyallahu anha qalat in kuntu la adkhul al-bayt lil hajati wal marid fihi للحاجة والمريض فيه أي عائشة Elle faisait l'i'tikaf chez le masjid. Des fois, elle allait chez elle. Elle allait chez elle, c'était collé au masjid. Pour faire ses besoins, etc. Et il y avait un malade dans la maison. Elle demandait l'état du malade. Est-ce qu'il va bien, etc. Et en marchant, sans s'arrêter. Ça montre que Al-Mu'takif, il fait ce qu'il a à faire et il revient. Très vite. Aïcha ne s'est pas arrêtée pour demander, pour lui parler, pour ça. Là, en marchant, elle a demandé sur son état. Ça montre que l'i'tikaf, il doit, Al-Mu'takif, il doit rester au masjid, sauf l'il-hajah. Le dernier hadith, ou l'avant-dernier, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qala, qultu ya Rasulallah, inni kuntu nadartu fil-jahiliyya, an a'takifa laylatan, wa fi riwaya yawman, fil-masjid al-haram. Qala, fa'awfi binadrik. Al-wafa bin-nadr, c'est wajib. Al-i'tikaf, à la base, c'est pas wajib. Lakin Omar, il avait fait un vœu, fil-jahiliyya, avant d'être musulman. Thumma, des années après, il a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام أنه il avait fait un vœu de faire al-i'tikaf fil masjid al-haram. Le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit fa'awfi binadrik, tu dois accomplir ton vœu, tu dois aller au masjid al-haram et faire al-i'tikaf. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. على كل حال, c'est une durée al-i'tikaf, que ce soit la nuit ou le jour. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا. أي sa femme elle est venue rendre visite au prophète صلى الله عليه وسلم. Sa femme Safiya elle est venue lui rendre visite au masjid. Ça montre que c'est permis de recevoir des visites et t'es au masjid. أهم شيء tu sors pas. فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. أي elle voulait sortir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il l'a accompagné. Wa kana maskanuha fi dari Usama ibn Zayd. Fa marra rajulan min al-ansar. Ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti du masjid. Lakin il y a une haja al-an pour accompagner sa femme et il fait nuit. Donc c'est permis via al-hal. Fa lamma ra'aya Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam asra'a fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala rislikuma innaha Safiya bint Huyay. فقال سبحان الله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم il est sorti avec sa femme Safiya et il faisait nuit et deux hommes parmi les ansar من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما quand ils ont vu le Nabi صلى الله عليه وسلم ils se sont précipités et ils ont accéléré leur marche. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit على رسلكما اي je suis avec Safiya et pas besoin d'accélérer. Eux, ils ont dit Subhanallah, Ya Rasulallah. Et ils se sont étonnés. Et Ya Rasulallah, on ne pense rien de mal. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit n'activez pas. Et je suis qu'avec ma femme. Eux, ils ont compris, radiallahu anhu, ils ont dit Subhanallah, Ya Rasulallah. Et on n'a rien pensé de mal. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna shaytan yajri min ibn Adam majra dam. Et shaytan, il circule en vous comme le sang il circule dans vos veines. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم في قلوبكما شرا أو قال شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit j'ai craint que dans vos cœurs vous pensiez quelque chose. Le shaitan, ça peut arriver. Ça c'est un dalil qui montre qu'il faut fermer les portes. S'il peut avoir un doute, tu peux être accusé de quelque chose, tu fermes les portes. نعم لأن الشيطان يجري مجرى الدم. Surtout à notre époque. Surtout à notre époque. Donc fermer les portes du char c'est muhim. Et s'il faut se justifier, on se justifie. Bihaq. Hatta on ferme les portes au char. Amma, laisser des doutes. Tu fais apparaître certaines choses. Et Obama, ton frère, il est faible et il croit certaines choses. Et Shaitan, il a une mauvaise pensée sur toi. Si tu peux enlever Adam, montre-lui. M'affiché. Maintenant, t'étais dans un endroit où Ahad, il peut te voir, il pense que. Et Anta, si tu sais que ce frère, il t'a vu, tu lui montres. Ya Akhi, j'étais. Parce que j'étais dans cet endroit, parce que telle chose, c'était une excuse, etc. Il y a un shaitan, il s'imagine des choses, il faiblit, et un jour, ça fait des fitaines. Wal'ayadu billah. قال وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة. ساعة, c'est pas comme l'heure qu'on a aujourd'hui, ساعة. Quand t'entends, hadith, ça veut pas dire 60 minutes comme nous. Et à leur époque, il n'y avait pas Hada, c'est venu après. Sa'a, c'est un moment. C'est un moment. Ça ne veut pas dire que c'est forcément 60 minutes comme nous, on comprend l'an. Nous, l'an, sa'a, en arabe, c'est une heure, c'est 60 minutes. À leur époque, sa'a, c'est un temps, un moment. Qala, thumma qamat tanqalib. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكر بمعنى. Tous ces hadiths, ils sont في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Et certains alfaz, c'est les Bukhari ou les Muslim. على كل حال, tout ça, tout ce qu'on a lu, c'est صحيح. وبهذا, on a fini هذا الباب. أو هذا الكتاب الطيب كتاب الصيام من عمدة الأحكام ونقرأ بعض المسائل أي المتعلقة بالاعتكاف. Donc premièrement, l'i'tikaf c'est مستحب, c'est pas واجب, sauf celui qui fait نذر, il fait un vœu et accomplir le vœu c'est une obligation. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا. L'unanimité des savants que il n'y a pas d'obligation de faire l'i'tikaf. Il n'y a pas d'i'tikaf obligatoire. Illa an yujibuhu al-mar 'ala nafsihi nadran fayajibu 'alayh. Et le dalil c'est hadith Omar. Fa awfi bi nadrik. Sauf si un muslim ou une muslima ils font un vœu de faire l'i'tikaf dans tel endroit ou tant de jours, hein, il accomplit son vœu et il fait l'i'tikaf. Et on répète que le musulman, à l'afdal, c'est qu'il délaisse hada. Ça peut être une mashaqqa. T'amal anta wahid liyom, s'il fait le nadr, il doit faire l'i'tikaf dans le masjid al-haram une semaine. S'il n'arrive pas à aller au masjid al-haram, comment il fait? Hada afdal, anna l'insan il délaisse. Amma Omar, le hadith qu'on a, c'est il a fait hada fil jahiliya. Thumma il a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fais-le. Amma nahnu. On évite hal. Et celui qui le fait, il doit l'accomplir. Wa hakadha al-Imam an-Nawawi rahmatullah alayhi, il a rapporté l'ijma', Ibn Abd al-Bar, Ibn Qudama alayhim rahmatullah, ils ont tous rapporté l'ijma' et la précision qu'il a cité Ibn al-Mundhir. Une autre mas'ala, et c'est important. Donc as-sunnah c'est de faire l'i'tikaf les 10 derniers jours de Ramadan. Lakin ça commence quand? العلماء اختلفوا. Il y a une divergence في هذا. Deux moments pour commencer. القول الأول يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21. La nuit du 21. مثلا aujourd'hui si on dit qu'on est jeudi, on est le 20 de Ramadan. La nuit du 21 c'est quand? Après le Maghreb on rentre dans le 21. On a déjà dit que les nuits, c'est avant les jours. Donc, Al-An, c'est bientôt Al-Asr. On va faire Al-Asr, on est toujours le jeudi 20. Arrivé au Maghreb, on bascule dans la nuit, donc on va manger. Et dès que tu bascules dans la nuit, c'est la nuit du 21. Celui qui veut rentrer, l'i'tikaf, il rentre au Ind al-Ghuroub. Yadkhul qabla ghuroub shams. Il essaye d'aller un peu avant le Maghreb. Hatta, dès que le 21 ça commence, la nuit, ça commence les 10 derniers jours, et les 10 derniers jours, il commence par la nuit, fahoua, il en est i'tikaf. Et il prépare quelque chose avec lui, hatta, il mange, fait le masjid, etc., hatta, il finit à l'i'tikaf les 10 derniers jours. Est-ce que tu dois faire forcément les 10 derniers jours? Là. 10 derniers jours, c'est afdal. Lakin, celui qui fait que 4 jours, 5 jours, il y a jouzou là. Lakin, nahnu l'an, tout ce qu'on va citer, c'est par rapport à celui qui veut faire les 10 dernières nuits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Donc, yadkhul qabla al-ghurub. Ça, c'est le premier qawl. Et c'est qawl al-a'imma al-arba'a. Al-imam Abu Hanifa, al-imam Malik, al-imam Shafi'i, al-imam Ahmed, alayhim rahmatullah. Et al-adilla, c'est adilla qu'il a cité, al-hafidh Abdul Ghani. المقدسي رحمة الله عليه حديث أبي سعيد كنا بيفو في ليلة القدر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان Et après, قال حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحة من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر إلى آخر. هذا دليل هذا القول. Le deuxième قول أنه il rentre après le Fajr. القول الثاني يصلي الفجر ثم يدخل معتكفة. Et ça c'est قول الإمام سفيان الثوري والأوزاعي et d'autres. Et حجة هذا القول c'est حديث عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم والمؤلف رحمه الله ذكر اللفظ البخاري. على كل حال عند صحيح في صحيح مسلم هنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يغانطخي دان سو معتكف وفجر. هذا القول الثاني في الحقيقة يكون تخدي بالقول الأول لأن قوله عائشة إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. Il faut savoir que à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à aujourd'hui dans certains endroits ceux qui font l'i'tikaf ils ont comme un endroit, eux, les ma'adhal, où il va rester 10 jours au masjid. Ils font comme des tentes. Et كل واحد, il a un endroit. Fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait après le Fajr dans son endroit, sa tente. L'endroit qui était que pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas en i'tikaf avant? Là, bel, il était en i'tikaf à partir du Maghrib. Salat le Maghrib. Et après le Fajr, il allait dans son endroit. Imma pour dormir, imma pour se reposer, imma pour faire du dhikr. Ala kulli hal, il faut différencier entre les deux cas. C'est pour ça que le qawl sahih, c'est l'awwal. Ça commence عند الغروب. Lakin, est-ce que ça veut dire que quand tu es au masjid, tu es forcément dans ton endroit? Là. C'est pour ça que al-sahih, c'est un dars, tu peux assister. Tu peux t'asseoir dans le premier rang. Tu peux faire, maintenant, si tu vas faire salat al-layl, s'il y a salat tarawih, tu vas être dans les rangs. Thumma, après le Fajr, il retournait dans son endroit. Donc ça montre que l'i'tikaf, celui qui veut faire les 10 dernières nuits ou les 10 derniers jours, ça commence après le ghurub. La journée du 20, thumma le maghrib, on bascule au 21, ça commence à partir de là. Mata yakhruj, c'est quand qui sort, c'est quand la fin de l'i'tikaf. كذلك il y a plusieurs aqwal. Et as-sahih, c'est yakhruj idha ghabat ash-shams akhir yawm min ramadan. لأن رمضان c'est fini. مثلا on est jeudi, on est le dernier jour de Ramadan. مثلا on va dire Ramadan c'était 30 jours. Au Maghrib on bascule Shawwal. Hatta les gens ils voient le croissant de lune, c'est Shawwal. Demain c'est l'Eid. Demain matin les musulmans ils feront salat l'Eid. Al-mu'takif au Maghrib, s'ils ont vu le croissant de lune et demain et là, c'est la nuit de Shawwal et demain c'est salat l'Eid, ils sortent de l'i'tikaf, لأنه n'est plus fait Ramadan. Le mois de Ramadan, il est fini. Et l'i'tikaf, c'est les dix derniers jours de Ramadan. Donc, al-sahih, أنه يصير عند الغروب. إذا غابت الشمس, et c'est plus Ramadan. Et l'imam Malik, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhim, ils ont un qawl, أنه il reste jusqu'au Fajr, ثم, dès qu'il sort, il va directement à Salat l'Aïd. لكن القول الراجح هو القول الأول كما قد démontré الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. Donc le début de l'i'tikaf le 21 après le ghurub, après la journée du 20, le 21, la première nuit, jusqu'au dernier jour de Ramadan, et après le ghurub, la dernière journée. C'est ça la durée de l'i'tikaf, celui qui veut faire les 10 derniers jours. L'endroit, ça c'est important. Al-ant à la durée. Tu connais le fadl. Ça fait partie du sunnat al-Nabi alayhi salatu wasalam. Al-ant, kadalik, tu connais la hikmah, les 10 derniers jours de Ramadan, ça te facilitera à trouver laylat al-qadr et à faire des efforts pour laylat al-qadr. Et kadalik, l'ijtihad fil ashr al-awakhir, ma'rouf. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait ses femmes et il faisait des efforts. Toute la famille, la nuit c'était pour salat, etc. Donc, al-i'tikab, ça te facilitera tout ça. Al-an, l'endroit. قال ابن عبد البر رحمه الله عليه اجمعوا ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد الاعتكاف سيكو مسجد tu peux pas faire l'i'tikaf chez toi, tu peux pas faire l'i'tikaf comme ils font ad-dullal dans une grotte, dans une montagne, dans un endroit retiré. Là tout ça c'est min al-bid'a wal khurafa, et c'est un bab an ash-shaytan yatasallat ala ha'ula. Donc, Mahaoula, il prétend des choses, et des choses très graves. Là, l'i'tikaf, c'est fait le masjid. Là, fi bayt, ou là, kharij le masjid. C'est une ibada khassa pour le masjid. Mitl, ka'anna tawaf, plutôt, ka'anna tawaf, c'est qu'autour de la Kaaba. À Mecca, masjid al-haram. Fahakada l'i'tikaf, c'est que dans les masjid. Il y a des ibadat, comme on répète souvent, ces ibadat, elles ont des lieux précis, des moments précis. Arafa, c'est Arafa. Celui qui fait le hajj, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il doit aller à Arafa, sinon son hajj n'est pas valide. S'il se met debout, position debout, ou assis, il attend dans un endroit à la place de Arafa, c'est batil. As-siyam, c'est Ramadan. Celui qui fait un mois et il déplace Ramadan, il le fait le mois, il fait à Muharram ou à Rajab, son siyam, il est pas compté, il n'a pas fait Ramadan. Voilà aussi il fait un mois, voilà aussi il fait deux mois, voilà aussi il fait toute l'année sauf Ramadan. À notre dîne, il y a des règles, des endroits précis, des moments précis. Donc, ijma' al-ulama annahu c'est fi al-masajid. Qala ibn Qudama rahimahullah wa la yasih al-i'tikaf fi ghayri masjid idha kana al-mu'takif rajulan la na'lam fi hadha bayna ahl al-'ilm khilaf. Donc, il y a pas de khilaf si c'est un homme. Si c'est une femme, il y a des aqwal. Est-ce que al-mar'a elle peut faire l'i'tikaf fi baytiha? Le premier qawl c'est pas sahih, la yassih. L'i'tikaf c'est fi al-masjid. Comme elle faisait les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi al-masjid. Bien sûr s'il n'y a pas de fitna. Mais s'il y a al-fitna, c'est pas obligatoire. Et faire une chose recommandée et tomber dans le fitna, ça c'est pas min al-hikma. Al-qawl al-thani yajouz anna al-mar'a ta'takif في مسجد بيتها شي زال على كوما مسجد et elle fait l'i'tikaf, اي l'endroit où elle fait salat, elle réserve une salle pour faire salat et elle fait l'i'tikaf dans cet endroit. لان بعض النساء شي زال elles ont des endroits que pour salat, c'est comme un petit masjid chez elles. Et est-ce qu'elle peut faire l'i'tikaf? الذي يظهر c'est que في المسجد. فالصواب c'est le قول الاول, c'est que l'i'tikaf, c'est que dans les masajid. Hatta la femme, si elle le fait au masjid, il n'y a pas de fitna, ou illa, elle ne le fait pas. Ce n'est pas obligatoire, aslan. Baqiya, un khilaf, bayna ahl al-ilm, et c'est un khilaf mashhour. Est-ce que c'est réservé au masajid al-thalath, ay masjid al-haram, ou masjid al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ou masjid al-aqsa, ou c'est pour tous les masajid? Il y a un khilaf wasi'bina ahl al-ilm. Ba'dhum qala la yasih al-i'tikaf illa fi al-masjid al-thalath, illa fi al-masajid al-thalath. C'est qawl Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Et Cheikh al-Albani rahimahullah à notre époque, il a démontré que pour lui c'est ce qawl qui est sahih. Pour Cheikh al-Albani en se basant sur hadith Hudhayfa, wa sayati ma'ana. القول الثاني أن الاعتكاف c'est dans un masjid où il y a le Jumu'ah. C'est obligé que ce masjid ils font le Jumu'ah. تعلمون أن هذه المساجد ils font que salat al jama'a. Et le Jumu'ah c'est dans le grand masjid. Ça arrive beaucoup هذا dans les pays musulmans. Pour eux, l'i'tikaf il faut que ça soit dans le grand masjid où il y a le Jumu'ah. Ça suffit pas le jama'a. Le troisième قول يجوز الاعتكاف في مسجد تقام فيه الصلوات. Et as-sawab c'est hada. Tant que c'est un masjid, c'est permis de faire l'i'tikaf. Lakin le mieux c'est que c'est un masjid où qu'il y a le Jumu'ah. Pourquoi? Parce que le Jumu'ah est wajib. Le Jumu'ah c'est obligatoire. L'i'tikaf il n'est pas wajib. Si tu fais l'i'tikaf dans un masjid et ils ne font pas salat le Jumu'ah, tu es obligé de sortir pour aller faire le Jumu'ah. C'est une obligation. Et tu dois revenir. Et ces allers-retours, c'est pas, en fait, ahsan, an al-insan, si y a un masjid ou qu'ils font le Jumu'ah, il fait dans ce masjid, hatta il sort le moins possible. Et c'est ça le but de l'i'tikaf. Wa illa, celui qui fait dans le masjid où il n'y a pas de jumu'ah, fa al-wajib alayhi, c'est de sortir, et son i'tikaf il est sahih. Donc, al-qawl al-sahih, c'est le troisième qawl. Baqiya, le hadith, عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. العلماء اختلفوا. Est-ce que c'est la parole de حذيفة أو c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام؟ أي est-ce que le hadith est مرفوع أو موقوف؟ Le hadith البيهقي إلا rapporté والطحاوي كذلك والإسماعيلي كذلك اختلفوا. والصحيح c'est qu'il est موقوف على حذيفة رضي الله عنه comme ils ont démontré certains hufa. Et même si on dit qu'il est sahih, et ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, amma si on dit que c'est la parole de Hudayfa, enfin la parole de Hudayfa radiyallahu anhu, c'est un ijtihad min. Lian Allah azza wa jal qal, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'afd al-masajid, wa l'alif wa l'lam dans le masajid, ça montre que c'est tous les masajid, tant que c'est un masjid. Celui qui dit que c'est spécifique pour que les trois masjids, il faut une preuve. Donc si c'est la parole de Hudayfa, la parole de Hudayfa, ce n'est pas une preuve. Radiyallahu anhu, mas'ala fiha khilaf, c'est un ijtihad min. Donc, si c'est la parole de Hudayfa, on dit c'est un ijtihad min. Si c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est sahih, fal'an na'am. Al'an, on aurait dit que c'est pour les trois masjids, ou ba'du ahl al-ilm minhum Sheikh Muqbil, rahimahullah, qala. Walaw sah, même si on dit qu'il est sahih an nabi alayhi salatu wasalam, al-ma'na ça aurait été l'i'tikaf illa fi al-masajid al-thalath, ay l'i'tikaf afdal. Il n'y a pas de meilleur i'tikaf que dans les trois masajid. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dans les autres. Wa ala kulli hal, le hadith n'est pas sahih marfou'an, c'est la parole de Hudayfa. Et inshallah, le qawl sahih, comme a dit l'imam al-Bukhari dans son sahih, il a cité le verset. Et il a démontré que c'était pour tous les masajid. Et c'est ça le qawl sahih, wallahu a'lam. Cheikh Muqbil, rahimahullah, yaqul anna al-hadith il est mawquf. Kadhalik, Cheikhuna Yahya, habidahullah, yaqul annahu il est mawquf. Amma Cheikh Al-Albani, fi ma adhkur, il dit qu'il est thabit marfou'an. Et le mas'ala khilafiyya, l'amri il est wasi'. Celui qui peut dans les trois masajid, fa tayyib, un des trois masjid. Et celui qui peut pas, s'il fait dans un masjid n'importe lequel, l'amr, inshallah, il est tayyib. Qala ibn Qudama, rahimahullah, fil mughni, yustahab lil mu'takif at-tashagul bis salat. Donc, l'an al-mu'takif, tu connais l'endroit, tu connais le moment, tu sais que c'est une sunnah, lakin al-mu'takif, il doit s'occuper avec as-salat. Qala at-tashagul bis salat, wa tilawat al-Qur'an. وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة. C'est ça le but de المعتكف. Attention au qil ou qal, comme dans certains masajid. ربما بعضهم ils se rassemblent, surtout الآن avec ses téléphones, qil ou qal, et خصومات, جدال, tout ça pendant l'i'tikaf. هذا لا, لا ينبغي. L'i'tikaf c'est une sunnah. Si on le fait, on le fait à la sunnah. Et كذلك بعضهم ils font l'i'tikaf et ربما ils dérangent les autres. Il fait quelque chose de mustahab et il tombe في l'ithm. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit de lever la voix avec le Coran et tu déranges ton frère. Léna, ton frère aussi récite. Ça c'est bien le Coran. Et ça nous montre ça que ceux qui récitent le Coran en groupe dans les masajid, ce qu'ils appellent le hizb d'une même voix, ça c'est une bid'a. Et parmi les causes que c'est interdit, Naomi, ils gênent les autres. Léna, واحد qui veut pas faire ta bid'a, pourquoi tu récites fort? Il peut même plus rester au masjid. Que dire? Il fait l'i'tikaf et il ne récite pas le Coran, mais le qil wa qal, il dérange ses frères. Kadhalik, ba'duhum, ils font, comme on a déjà cité, ils font que 11 raka'at, et c'est le qawl sahih, là qu'il reste au masjid et il parle et Rubama son téléphone, il sonne et il dérange les autres. Tu n'as pas le droit de déranger ton frère musulman. Enfin, l'i'tikaf, c'est une sunnah. Enfin, que cette sunnah, ça ne devienne pas du ithm pour toi. Donc, le Coran, والصلاة والذكر قال ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. Il s'écarte des choses qu'il ne regarde pas. Foulan il a fait, foulan. C'est mu'takif. Profites-en. L'i'tikaf c'est pour se retirer. C'est ça l'i'tikaf. Se retirer et se consacrer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette période, les 10 derniers jours. قال ولا يكثر الكلام même le kalam al buba al mu'takif il doit pas parler beaucoup. Bien sûr, un frère il vient, il te passe salam, tu lui réponds, il a besoin de quelque chose, tu lui parles, il demande de tes nouvelles, tu parles avec lui, là, bah. Lakin al-ikthar, du dhuhr jusqu'au asr, là. Ou du asr jusqu'au maghrib, fala. Ah, le mu'takif, tu dois te retirer, tu dois montrer aux autres que tu es mu'takif. Il y en a ba'dhum la yafham. Probablement, il s'assoit et il te parle pendant des heures, là. T'es mu'takif, t'es mu'takif. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un endroit à soi, si c'est permis, bien sûr, dans ces messages. Et tu restes dans cet endroit. قال لأن من كثر كلامه كثر سقطه. Et ça, faut bien qu'on le comprenne. Celui qui parle beaucoup, il fera beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de fitaines. Et beaucoup de paroles sans ilm. Beaucoup de choses. Plus tu parles, plus tu es exposé à l'erreur. Moins tu parles, moins tu es exposé. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Surtout pour l'ilm. Surtout pour les débutants. Parlez beaucoup. Plus tu parles, plus tu es exposé à l'erreur. Et après, il faut revenir. Il faut faire tawbah. Il faut faire des recherches. Et ça prend du temps. Parlez peu. Parlez peu avec ce qu'on maîtrise. Ce qu'on ne maîtrise pas, on le délaisse. Enfin, on a cité cette parole Mukhtasara de Ibn Qudama rahmatullah alayhi pour montrer le comportement que Al-Mu'takif doit avoir. Est-ce que Al-Mu'takif peut sortir pour faire ses besoins? Hadanam. Si les toilettes elles sont proches du masjid, enfin, il va aux toilettes. S'il n'y a pas de toilettes et chez lui c'est assez proche, il va chez lui. Al-Muhim, c'est permis. Il n'y a aucun doute qu'il doit sortir. قال ابن المنذر رحمه الله عليه واجمعوا ان للمعتكف ان يخرج من معتكفه للغائط والبول pour faire ses besoins. Ça c'est l'unanimité des savants. Là, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Si on dit non, il va aller où? Là, اجمع اهل العلم. هذا c'est واضح. Est-ce qu'il peut sortir s'il a un besoin autre que faire ses besoins? Il a une حاجه. قال ابن قدامه رحمه الله عليه. Il a cité la permission de sortir pour faire ses besoins. Thumma qala wa fi ma'naha al-haja ila al-ma'kul wal-mashroub. كذلك il peut sortir pour acheter à manger et boire. Yannahu les 10 derniers jours, il fait siyam et il doit manger le soir. Donc, il sort pour acheter sa nourriture. Sauf si quelqu'un lui emmène ses mieux. Qala idha lam yakun lahu man ya'tihi bih. Le mieux c'est de quelqu'un qui lui emmène son enfant, son frère, ahsan. S'il n'y a personne, il sort lui-même. فله الخروج إليه إذا احتاج إليه وإن بغته وإن بغته القي فله أن يخرج ليتقي خارج المسجد. C'est un exemple طيب. Il a une envie de vomir, il sent qu'il va vomir, il sort. Pourquoi? لأن il y a une mafsada. Si il vomit au masjid, il y a une mafsada. Ça va faire des odeurs, il faut nettoyer, etc. ففي هذا الحال لا excuse. Il sort, il vomit et il rentre au masjid. وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل وهو عليه ما لم يطل. Bien sûr, ne pas prendre son temps. Acheter une chose, faire un aller-retour, ça peut prendre 5-10 minutes. Donc ça doit prendre 5-10 minutes. À m'en profiter pour faire un tour, pour parler, là, c'était plus en i'tikaf. Donc, Ibn Qudama te montre que tu sors pour faire cette chose. Maintenant, tu sors pour aller au WC, tu vas au WC, tu re-rentres. Hada, c'est muhim. Pourquoi? Parce que cette sortie était permise par rapport à ta raison. Un mawahed qui sort pour aller au WC, normalement ça prend 5 minutes, et il fait un tour d'une demi-heure, hada, il a annulé son i'tikaf. قال وكذلك له الخروج الى ما اوجبه الله تعالى عليه مثل من يعتكف في مسجد لا جمعه فيه. C'est ce qu'on a cité. كذلك s'il fait l'i'tikaf dans un masjid où il n'y a pas de jumu'ah, et on avait dit que sahih c'est que c'était permis, dans ce cas-là, le vendredi avant le jumu'ah, il sort, il va au masjid où ils font le jumu'ah, après le jumu'ah il revient dans son masjid et il continue l'i'tikaf. قال فيحتاج الى خروجه ليصلي الجمعه ويلزمه السعي اليها فله الخروج اليها ولا يبطل اعتكافه. Donc, tu conclus de tout ça, s'il y a un besoin d'une chose, il t'est permis de sortir. Et si, vraiment, maintenant ton enfant il est tombé malade, ou ta femme elle est tombée malade, et tu dois sortir complètement, il y a juste, là c'est mustahab. Maintenant, tu arrives au quatrième jour et ils ont besoin de toi chez toi. Ou tu te sens malade. C'est une chose, d'accord ? Un tachroj et Inch'Allah, tu es récompensé sur les 4-5 jours que tu as fait. Il a cité, fi Misk al-Khitam, plusieurs masa'il. Kadalik Shawun al-Ataymin, fi al-Sharh al-Mumti' ou al-Hafid ibn Hajar dans le Fath. Il cite beaucoup de masa'il fi hada, lakin ma dhakarna min al-masa'il, Inch'Allah, fiha khair wa baraka. Si il sort, et c'est la dernière masala, min al-Masjid, li ghayri haja, al-Ulama ikhtalafu, ba'dhum, ils ont dit son i'tikaf il est ba'til. Wa in qalla al-khuruj, même si c'est un peu, même s'il sort du masjid, il fait un, deux pas, et il rentre son i'tikaf il est ba'til. Pourquoi? Parce que c'est une ibada à un lieu précis. Il est sorti de ce lieu sans raison. Son i'tikaf il est ba'til. C'est qawl al-imam Abi Hanifa, qawl imam Malik, qawl imam Shafi'i, qawl imam Ahmed. Les quatre imams ils sont à la hada. Lian al-khuruj yunafi l'i'tikaf. Fa idha kharaja li ghayri udr abtala. Celui qui mange, il est sa'im. Ou alors s'il mange un peu. Est-ce qu'il y a une différence? Manger un peu, manger beaucoup. Là, il a mangé son siyam, il est batil. Al-i'tikaf, il sort son i'tikaf, il est batil. Ou alors s'il est sorti que d'un pas du masjid. Mouhim, il n'est plus dans le masjid. Al-qawl al-thani, ils disent que son i'tikaf, il n'est pas batil tant que ce n'est pas plus d'une demi-journée. Il sort du masjid. S'il sort que une minute, deux minutes, cinq minutes, ça fait pas, ça annule pas son i'tikaf. Et هذا القول فيه نظر. بعضهم استدل بهذا حديث صفية qu'on a vu. Un Nabi صلى الله عليه وسلم, il est sorti avec sa femme. Et ils ont dit, il est sorti, il est revenu. Là, في هذا الحال, comme ils ont expliqué à Ashab al-Qawl awwal, un Nabi صلى الله عليه وسلم, il est sorti avec Safiya, il y en a, c'était la nuit. Et s'il y avait une hajja, c'est sa femme, il doit l'accompagner. Donc, tu ne peux pas prendre comme dalil hada pour dire que ça annule pas. Donc, al-qawl al-sahih, c'est le qawl al-awwal. Wallahu ta'ala a'lam. On a fini hadihi ad-durus wa lillahi al-hamd. On conseille à nos frères de réviser, d'apprendre les ahadith. Il y en a, c'est des ahadith sahla. Et vous avez remarqué que c'est des. Comme a dit le mu'allif, umda. Umda tu l'ahkam. C'est la base dans les ahkam. Al-umda, al-amoud, c'est le pilier. Al-umda, c'est la base. Donc, la base dans al-fiqh. C'est ce genre de hadith. Hadith Sahih Bukhari, Sahih Muslim, vous avez remarqué dans Siyam, la plupart l'un des masa'il, tu les as dans ce hadith, dans ces hadiths. C'est pour ça que, alhamdoulilah, vous avez appris certains par cœur, et quand on vous demandait de dalil, très simplement, t'arrives à le citer. On avait appris le hadith, thumma on l'a étudié, et t'avais la preuve. Et hakada al-ilm. On a fait ça avec Kitab Siyam, et Inch'Allah, si on peut continuer, on continuera d'autres abwab et dans d'autres masa'il, tawhid, al-aqida, etc. Le muhim, un talib al-ilm yajtahid fil hifz, wa yajtahid fi al-dirasa et al-muraja'a, et il fait des efforts daim. Et après Ramadan, Inch'Allah ta'ala, on reprendra ces durus et on continuera al-qawa'id al-arba', on a commencé, wa lillahi al-hamd. On continuera, on finira la muqaddima et on essaiera de finir la risala, elle est très courte. Et Inch'Allah, on remplacera ce dars, Umdat al-Ahkam, par un autre dars et Inch'Allah, on verra ensemble quel dars on choisira, quel livre on choisira. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.